L'exposition nationale des œuvres littéraires, fiction et des maquettes des enfants 2016, qui a été ouverte le 3 juin à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, vient d'être clôturée. La cérémonie de clôture s'est déroulée le 7 au Palais central de la jeunesse à Pyongyang, en présence des permanents de l'Union de la jeunesse, des jeunes et enfants. Il y a eu ensuite la publication du résultat de jury et les meilleures organisations et enfants ont reçu les coupes et diplômes.